2-0-1-5. On va entamer une plongée. Une plongée en acné. J'allume la lumière. Je descends. Tu vois, donc là, c'est mon univers. C'est là que je fais du son. Palissade, des tuyaux, bois brut avec des cadenas, des serrures. C'est ma zone, t'as vu? Ouais, c'est de là d'où je viens. Numéro 15. Ah ouais. Ça marche sur ma tête, t'as vu? C'est là qu'ils font tourner les putes, les meufs. Les chattes. C'est là qu'ils font tourner les chattes. Les chattes des putes. Ah, il y a des cadenas, ouais. Des cadenas sur les chattes. Les chattes. C'est là que ça se passe. Les chattes. Au froid, au chaud. Circulation. Chauffage. Les chattes. La robinetterie. Les chattes, les putes, font tourner les robinets, ouais, d'eau chaude. Ouais, attends, les chattes. Ça nique, c'est là que ça nique. Tout ce que je cherche, c'est salope. Ouais, numéro 27. Ouais. Tu rigoles à moi, ouais. Tu rigoles plus, là. Tu peux crier.